Le moulinage en chantier. Une émission proposée par le collectif du moulinage de Chirolles. Nous sommes un groupe d'une quinzaine de personnes engagées dans la réhabilitation écologique du moulinage de Chirolles, cette ancienne usine de soie d'environ 5000 m² située au bord de la Fontolière, à 18 km d'Aubenas en Ardèche, à Chirolles, dans le quartier dit de Pont de Verrières. Artistes, architectes, paysagistes, citoyens engagés, nous définissons notre projet comme un pôle d'expérimentation collective, sociale et solidaire. Le lieu, dont nous avons enfin eu les clés en avril 2019 après presque 4 ans de préfiguration du projet, se veut ouvert à toutes et à tous. En attendant d'être habilité à recevoir ce grand public, le moulinage accueille déjà des spectacles et événements culturels associatifs, des ateliers d'artisans et de l'habitat temporaire pour les bénévoles du chantier. On veille à toujours bien garder en ligne de mire la vision à long terme de ce que deviendront les bâtiments une fois réhabilités, c'est-à-dire des appartements en habitat participatif, une salle de spectacle et de résidence artistique, des espaces de formation et de coworking, une cantine, une épicerie et puis plein d'autres choses collectives à inventer. Mais il est clair que dans l'immédiat, et pour encore pas mal d'années, notre quotidien sera celui d'un chantier, énorme et d'une vie collective sur place à construire chaque jour, ensemble et avec les gens de passage qui viendront nous filer un coup de main. Cette émission mensuelle donnera des nouvelles de notre avancée sur le chantier d'auto-réhabilitation, mais aussi sur la construction de notre aventure collective et humaine, avec ses soubresauts, ses difficultés et ses moments magiques. Cette émission nous permettra aussi de donner la voix à celles et ceux qui ont connu les lieux avant nous et qui ont tant à partager et à transmettre sur cette histoire dans laquelle nous souhaitons nous inscrire. Celle de la vie ouvrière et paysanne, celle du temps où les vallées ardéchoises étaient sculptées de faïs, cette terrasse cultivée qui nourrissait une population d'une importance qu'on a du mal à imaginer aujourd'hui. Dans le moulinage en chantier, on aura donc l'occasion de parler de l'histoire des moulinages, de la soie, du travail, mais aussi de l'histoire actuelle, des projets collectifs qui nous inspirent et des questions sociales, politiques, économiques, écologiques, humaines que nous rencontrons au fil de nos avancées. Dans la grande marmite du moulinage en chantier, on mélangera allègrement passé, présent et futur, vérité historique et création imaginaire, le tout saupoudré d'un peu de musique, souvent improvisée, parce qu'au moulinage, on réfléchit, on cause, on agit et on chante beaucoup. Contre les collines, entre les collines, j'ai fait un grand écart. Grand écart, solide. Grand échafaudage, sur mon flamenco. Et autre structure, j'ai perdu mes ligatures. Flamenco. On m'appelle homme de chantier, que dalle. Que dalle. Moi je compose avec des bouts de bois, des bouts de métal. J'essaye, quoi qu'il arrive, de rénover un bâtiment. Sous les nuages, sous les étoiles. Il était une fois la Fontolière. Écoutez, c'est toujours le même chant. Elle a créé cette vallée et même servi de passage aux coulées basaltiques qui ont tapissé la vallée un peu plus loin. Longtemps, la rivière a servi de voie de passage pour rejoindre le plateau mystérieux sauvage. Se rappelle-t-on que Jules César et ses légions, en février de l'an 52 avant Jésus-Christ, bien sûr, sont passés par là pour atteindre Vercingétorix. Puis, les hommes se sont installés non loin de ses bords. Trouvant l'eau souvent un peu trop rebelle, ils l'ont domestiquée en créant des canaux ou des béalières pour mieux utiliser cette eau nourricière. Enfin, au XVIIIe siècle, les pentes se sont garnies de faïs, de murettes, pour mieux nourrir une population qui se multipliait sans cesse. En 1815-1816, le moulinage a vu le jour. Les nouvelles usines tapissaient toutes les vallées, l'aventure de la soie commençait. Très vite, le moulinage se développa et le parc aménagé était un signe de notoriété, à tel point que le moulinage de Chirolles était considéré comme le plus grand moulinage français dans les années 1920 300 ouvrières, dont 90 orphelines. Yves Paganelli a été maire de Chirolles de 1977 à 2008. Chansonnier et prof d'histoire, il a été à l'origine de l'écomusée du Moulinage, qui s'est installé en 1988 dans une partie de l'usine rachetée par le département, puis par la mairie en 2011. Chaque fois que je suis dans un lieu, je m'imprègne de l'espace et du temps. Ce qui s'est passé ici, c'est quand j'ai rencontré ce coin ici, moi je l'ai rencontré, l'usine était encore en activité, mais il y avait ici les salles étaient effondrées, il y avait les moulins effondrés. J'ai été pris à la gorge, tu vois, par ces odeurs d'huile, de fil, étrange, et puis ce bruit de l'eau, parce que la fontelière est très importante. Et puis j'ai eu l'impression que je voyais une forme qui se déplaçait à quelque part, tu vois. Et j'ai eu l'impression qu'il y avait une rencontre à faire. Yves Paganelli est aussi l'auteur d'un roman qui s'appelle Marie-Louise, qui retrace l'histoire imaginaire du quotidien d'une ouvrière qui rêvait d'une vie meilleure. Dans ce qu'il nous raconte de l'usine et de la place du moulinage dans la vie du village, son regard d'historien se mêle immanquablement à sa patte de créateur et de libre penseur. Et la rencontre, ça a été par exemple avec Marie-Louise, cette fille qui travaillait là, qui voulait vivre une vie extraordinaire, et puis la pauvre, elle a vécu la vie qu'elle a pu. Hein. Je me suis rendu compte que ce que j'avais un peu imaginé était vrai. Parce que souvent dans la vie, c'est ce qui se passe. Tu imagines des choses, tu dis non, c'est pas vrai, tu déconnes. Et j'ai découvert tout ça par hasard. Et ce hasard, c'est une sorte de mosaïque qui a fait que ça correspondait à des éléments de ma vie, mais je ne le savais pas. Puisque j'étais orphelin, ma grand-mère m'a élevé, on est resté 20 ans tout était au Boulin. Elle ne me parlait jamais du pays, parce que le pays était foutu à l'époque. Tu sais, Ferrat disait qu'il tenait le pays. Dans les années 60-65, l'Ardèche était foutue. Tout le monde partait. Et c'est vrai que finalement, elle ne me parlait pas du passé. Et elle est morte en 68, je suis monté à Paris, etc. Et en revenant ici, j'ai appris que son arrière-grand-père, à elle, avait été moulinier. Elle ne me l'avait jamais dit. Son père, à elle, qui était tout bébé, avait été emporté, le berceau avait été emporté à Barnasse par les pluies d'automne. Là, c'était en 1857 ou 8, je ne sais pas. Le berceau où il était a été emporté. Et une petite ouvrière est allée le récupérer, la sauver, et cette petite ouvrière s'appelait Marie-Louise. Alors c'est des trucs qui te... Je sais pas, ça te marque, tu vois. Il y a une interpénétration entre l'imagination et la réalité. Il faut être quand même... savoir ce qu'on fait, hein. Faut pas... Tu sais sur le bouton que tu appuies, hein. Mais quand même, il faut laisser aller tout ça. Donc il y avait tout ça, c'est des rencontres. Et c'est ainsi que ce lieu est devenu pour moi important. Voilà. Et tu l'as redécouvert en quelle année ? Tu es revenu ici en quelle... On est revenu ici en 1976. On était à Paris. Moi, j'étais à la Sorbonne où j'avais fait les études. Et puis, je me suis dit, je vais être prof parce que finalement, il y a des vacances. C'est clair, hein ? Bon. Mais je me suis vachement intéressé parce que j'avais des élèves de seconde première qui étaient passionnants. Hein. Et ma femme est devenue prof d'anglais à Saint-Cyr-en-Montagne. Et on a vu Saint-Cyr et Aubenas, on dit où on se met. Et un copain me dit à Chirolles, j'ai une maison à vendre. Ah ben on s'installe à Chirolles. On achète la maison au chef-lieu, parce que moi je voulais être dans le village. Hein. Je voulais connaître les gens. Et on est en août 76, et je vois un vieux monsieur qui vient me voir qui me dit vous êtes jeune vous, hein, et vous êtes un peu connu, je chantais un peu, toi. Vous savez qu'il y a des élections municipales l'année prochaine. Les premières nouvelles. Il faut quelqu'un comme vous, parce que nous, on a le patron de l'usine qui est maire depuis longtemps. Ici, c'était ça, ici. Le patron était maire, ou alors, si ce n'était pas lui, c'était des acolytes, etc. Et on en a marre, et on s'est présenté avec des gens du pays, hein, pas des babagoules. Hein. Et on a été à la mairie en 77. Il y a toujours eu à Chirolles une lutte, mais c'était au niveau des élections municipales, c'est pour ça que je suis resté, c'était la bagarre entre les partisans de l'usine, conservateurs, catholiques, et les ouvriers, un peu à gauche, un peu, enfin, à l'époque ça voulait dire quelque chose, hein, critique, dans lequel je faisais partie. Quoi. Il y a eu une grève en 79 ici, qui a duré. J'ai été maire depuis 3 ans, Je vois sur la place une quarantaine de filles qui sont là, qui viennent. Et je dis, mais qu'est-ce qui vous arrive? Elle me dit, tu comprends, Yves, on se fout en grève parce qu'il ne veut pas nous donner la prime de Noël, 50 francs. Et je voyais que les revenus d'usine pouvaient le permettre. Enfin, bon, bref. Et ce qui fait qu'elles se sont mises en grève et je suis allé chanter pour les grévistes. Et c'est ainsi qu'il y a eu toujours cette opposition. Et puis après, il y a eu d'autres éléments qui ont fait que chaque fois qu'il y avait des élections, ils me disaient, reste parce que toi, tu peux maintenir, sinon ça va être, ils vont revenir, etc. Un détail qui me fait souvent sourire, à côté de la mairie, il y a une croix. Mais il y avait une croix avant qui était une croix en fer. Le Christ, c'était les missions dans les années 1895 qui avaient fait ça. Il y avait une grande croix, et cette croix, il fallait la peindre quand je suis arrivé. Alors moi, j'avais des copains qui étaient à Aubignas. J'en ai écouté, les gars, vous allez me repeindre la croix, hein, je vous paye, bien sûr. Hein. Il la peigne en rouge. C'est pas une commande de ta part. Non, mais j'allais vous la peigner, je vous fais confiance, quoi. Et puis moi, je dis, ouais, finalement, ouais. Ils m'ont dit, on a trouvé un fond de minium rouge, on l'a mis parce que. Ah, bah, j'ai dit, c'est super, hein. Putain, Léon. Tu imagines peindre le Christ en rouge, hein. Donc, il y a eu toujours ce truc-là. Mais comme je pense que j'ai été un maire assez honnête, j'ai fait mon boulot, puis je connaissais du monde, hein. Comme je me suis assez bien débrouillé, beaucoup de gens de droite ont voté pour moi. Mais voilà, ça a toujours été une lutte. Ils faisaient Voilà. encore de la soie en 76 ou c'était déjà du Non, synthétique? c'était du synthétique. Ils avaient inventé. Alors, il y avait surtout le truc intéressant, c'était le lycra. C'est-à-dire qu'il y avait des Ardéchois qui avaient inventé le lycra, c'est-à-dire ce fameux élastique. Hein. Donc, dîme, les sous-vêtements, les bas, les collants, les maillots de corps, les maillots de sport, tout le truc qui s'est fait. Et Plantevin était quelqu'un de très très compétitif. Hein. Et il y avait du lycra, et la soie avait dû s'arrêter en 63 ou 4 ans. Et les crises qui sont arrivées dans le moulinage, ce sont des crises qui sont arrivées parce que souvent, il a fallu changer le matériel. Quand ils faisaient de la soie, ils avaient un système spécial. Quand ils ont fait du nylon, après la guerre, c'est toujours le même système. Mais les engrenages étaient différents, il fallait changer le matériel. Donc il y avait des moulinages qui pouvaient le faire et d'autres non. Il fallait investir. Et tu penses bien, quand ils ont fait du dicra avec ce machin, ben là, ça a été. Il y a des moulinages qui ont plongé. Donc ce qui fait que dans les années 70, la crise a commencé. Mais Plantevin, Masseboeuf, beaucoup ont continué à bien tourner, à bien. À s'adapter. Alors, c'est vrai qu'au début, je disais aux gens du coin, je dis, mais j'ai vu cette usine-là, elle ferme pendant 6 mois. C'est la catastrophe. Non, non, t'en fais pas, ils changent de matériel. Donc, ils mettaient des gens au chômage, ou sans chômage, enfin, ça, c'est une autre situation, et puis ils changeaient le matériel. Donc, Plantevin s'adaptait. Quand il a fermé ici en 2005, il y avait un matériel ultra moderne. Quand Yves Paganelli parle de Plantevin, il s'agit d'Étienne Plantevin, le dernier propriétaire de l'usine. Étienne et une partie de la famille Plantevin ont vécu dans la maison familiale dans laquelle se situe aujourd'hui l'écomusée du moulinage. Alors pourquoi écomusée? Parce qu'écomusée veut dire lié au pays, à l'économie, à l'écologie, à l'écosystème du pays. Ici, c'est un écosystème. Et vous faites partie de l'écosystème. Il y a beaucoup de gens qui sont venus ici, qui ont travaillé dans l'usine. Ce qui est étonnant, ce qui nous surprend toujours, c'est que quand tu vas par exemple visiter des mines témoins, hein, Saint-Étienne ou Alès, tu as des anciens mineurs qui font visiter. Ici, tu n'as jamais d'anciennes ouvrières. C'est très très rare. J'en ai vu, moi, quand à la Levade, là-bas, au Nautilus, l'année dernière, il y avait Journée Patrimoine. J'ai rencontré effectivement des anciennes ouvrières. Etc. Bon, c'était super. Mais là, non. Comme si c'était un lieu, on dirait un tabernacle. C'est un truc, il y a une cloche. Alors, c'est vrai que des anciennes ouvrières reviennent visiter. J'ai eu des visites, moi, de mémés qui ont 90 ans, 100 ans maintenant, qui venaient là, la larme à l'œil. J'avais 15 ans, je travaillais là-bas dans la grande salle. Certaines te disaient, on faisait pipi sur place parce qu'on n'osait pas sortir, enfin bon, des trucs. Et tu te rends compte qu'en fait, souvent ce qu'elles disent, eh bien, elles se rappellent de leur jeunesse. On s'amuse. Moi, j'ai des petites filles qui ont 15 et 18 ans, elles s'éclatent. Le mauvais côté des choses, elles n'en parlent pas. Il faut creuser. Vous ne savez pas, je vais vous raconter. À l'oreille, c'est autre chose. Le bruit, l'humidité, elles en parlent. Mais quand on a fait le fameux film Marie-Louise avec Fabienne Prat, les interviews, il y a une cinquantaine qui ont été interviewées, toutes les femmes te disent qu'elles étaient contentes de travailler. Or, je pense que oui, mais elles passent toujours les autres côtés, enfin, bref. Comment tu l'expliques cette chape de plomb sur, enfin, tu disais qu'au Nautilus, il y avait une ancienne ouvrière qui était Ben là. oui, Pourquoi c'est peut-être que. ici, qu'est-ce qu'il y a comme histoire différente Je sais ici? pas. Ça Si serait tu à dois creuser, ça. imaginer, puisque tu dis qu'on peut créer un peu, on On peut s'imagine à quoi? imaginer, que ici c'était des conditions de travail très dures. Pire qu'ailleurs? Je sais pas, mais très dures. C'est vrai qu'il faut pas quand même oublier que en 1920, il y avait 300 ouvrières ici. C'était le plus grand moulinage français. On a vu des revues d'illustration, c'est des revues qui à l'époque étaient un peu le Paris Match de l'époque. Et il y avait des reportages sur Chirol. Alors le plus grand, est-ce que c'était au niveau du chiffre d'affaires des ouvrières, de l'espace, je ne sais pas, en fait, c'était considéré comme un des plus grands moulinages français. 90 orphelines, des filles qui venaient de Marseille. Ce qui est étonnant ici, c'est la présence des Marseillais. Moi, ça m'a étonné. J'avais ma secrétaire de mairie, et un jour, on me dit, je suis né à Marseille. Et puis, j'ai des parents de Marseille qui viennent. Et de fil en aiguille, je me suis rendu compte que sur Thueil, sur tous ces gens-là, il y avait beaucoup de Marseillais qui venaient. Parce que tu avais des filles qui, à 17 ou 18 ans, étaient venues travailler dans peut-être pas que Chirol, je sais pas. C'était des accords qui étaient passés entre le patron et les confréries religieuses. Les sœurs de Marseille disaient au patron, voilà, 90 jeunes filles extraordinaires, on les a bien, sont bien éduquées, vous foutez un peu le bordel. Elles obéissent bien. C'est une manœuvre qui était facile parce que les filles, les pauvres, se plaignaient jamais. Hein. Elles étaient nourries, logées, tu parles que. Donc il y a eu des oppositions ici entre quand la fille était un peu pénible, comme Marie-Louise, on lui disait hop, va voir ailleurs, et l'orpheline est là pour te remplacer. Peut-être qu'il y a eu aussi ce côté. Et moi j'avais un adjoint qui s'appelle Étienne Vassal, qui est toujours vivant d'ailleurs, mais qui m'a appris beaucoup de choses. Étienne était fier parce que sa grand-mère était marseillaise. Hein. C'était une orpheline de l'usine. Mais je vois Étienne Vassal ne vient pas visiter l'écomusée. C'est vrai qu'il y a un truc. Il y a un truc. C'est vrai qu'aussi, l'usine a fermé pendant 2 ans, en 87 ou 8. Bon, c'est à partir de là que des locaux sont libérés. Il a licencié notamment tous les gens qui avaient un peu fait suer pendant la grève de 79. Bon. Et moi, spontanément, je dis à Chirol, au conseil municipal, on fait un conseil municipal extraordinaire, je dis, on va faire une collecte pour les ouvrières qui sont. Ah non, tu plaisantes, non, non, non. Ils étaient contre. Hein. Je pensais à la salle polyvalente, on avait fait une grande réunion de solidarité, mais j'ai vu que ça collait pas, quoi. Ça marchait pas. Parce que, est-ce que l'usine était devenue finalement une sorte pas d'ennemi, mais les gens l'acceptaient moins. Comme disaient les ouvriers, mais il n'y a rien à voir ici. Et oui, on ne leur avait jamais appris qu'il y avait quelque chose à voir. Elle faisait un travail parcellaire. On ne voyait jamais l'arrivée de la robe, le vêtement, etc. Mais c'est une aventure passionnante. Lorsque je suis allé l'autre jour au Moulinage, j'y étais pas allé depuis quelque temps. Stéphane Ginevra, maire de Chirol depuis 2016. Et que j'ai vu toute l'animation qu'il y avait autour, les gens qui bossent, les gens qui réfléchissent avec les 4 ou 5 ordinateurs à l'extérieur sur la table, bah, ça fait un plaisir fou, quoi, parce que on sent que ça y est, c'est parti, quoi, ça sera plus une ruine, quoi. Beaucoup de personnes qui, dans la vie, étaient pratiquement centrées sur le moulinage. Hein. Il y en a beaucoup encore à Chirol. Hein. J'ai été très étonné d'apprendre la semaine dernière que même notre secrétaire de mairie, qui est très jeune, y a travaillé aussi. J'aimerais vraiment que ce soit quelque chose qui appartienne, entre guillemets, appartienne aux Chirolins, et notamment à tous ceux qui y ont travaillé aussi, qui puissent revenir à l'intérieur, se promener. Il y en a déjà qui ont le sourire jusqu'aux oreilles en voyant que ça revit. Mais en plus, s'ils peuvent de temps en temps venir assister à une animation ou tout simplement s'y promener, je pense qu'ils seraient ravis, quoi. Je voudrais que la vie soit bleue quand je croise ton chemin, que n'ayant plus de flou, on se fout du lendemain. Je voudrais une ville orange, pleine de pubs et de jus, qui jamais ne se range là où ça ne respire plus. Je voudrais une vie velours, retouché délicat, qui s'immisce l'amour dans nos passionnels fracas. Je voudrais que la vie soit chaude, égorgée de plaisir, que partout où je rôde, les hommes puissent me l'offrir. Je voudrais que la vie soit jaune, au lever chaque matin, dans la flore et la faune du paysage qui est mien. Est-ce que le moulinage, il est beau ou il est moche? Il est beau. Est-ce que le moulinage, il est grand ou il est petit? Il est grand. Est-ce que le moulinage, il est propre ou il est sale? Il est propre. Est-ce qu'il est... Il est gentil ou pas gentil? Il est gentil. Est-ce que le moulinage, il y a du travail ou il n'y a pas du travail? Il y a du travail. Est-ce qu'il y en a beaucoup ou est-ce qu'il y en a un petit peu? Il y en a beaucoup. Le moulinage, si c'était un animal, ça serait quoi comme animal? Un éléphant. Et si c'était une couleur, ça serait quelle couleur, le moulinage? Rose. Alors le moulinage, c'est un éléphant rose? Oui. Moi, je suis Juliette et je suis l'une des personnes à l'origine du collectif du moulinage de Chirolles. Et pour moi, le moulinage, c'est un gros bateau près d'une rivière, un gros bateau à reconstruire, à réparer, afin d'y mettre des voiles. Et ces voiles, elles sont constituées de toutes nos envies de créer des alternatives à une société où l'argent est dominant, où le temps est oppressant. Voilà, donc c'est des voiles faites de tissus de nos rêves, de nos besoins, de nos tripes. Voilà. Alors moi, c'est Alexandre, je suis paysagiste. Je fais partie du collectif du moulinage de Chirolles. Je fais aussi partie d'une association qui s'appelle l'Atelier Bivouac. Et pour moi, le moulinage de Chirolles, c'est un peu comme un grand jardin fou qui est une friche avec un énorme potentiel et un groupe de personnes qui se retrouvent à habiter sur ce lieu-là et qui sèment énormément de graines en les cultivant un peu jour après jour et de voir ce que ça va donner et ce qui va y pousser dans ce lieu-là. Je m'appelle Guy, je suis dans le moulinage depuis 4 ans, depuis le début. Donc voilà, le moulinage pour moi, c'est un espèce de mastodonte, c'est une baleine, c'est un cachalot, c'est un mammouth. Et ça représente pour moi tous les possibles. C'est un grand saut dans le vide, on se jette, on ne sait pas où on va, mais on y va et c'est beau. Et ça plonge comme ça. Mais il n'y a aucun flip, il n'y a rien, c'est que du bonheur. Et puis on sait qu'un beau jour, on va atterrir. Donc, tu es un peu d'accord avec Mia que le moulinage, ça peut être un éléphant rose? Ah, bah, total. Cet été, en marge du chantier, nous avons commencé à accueillir des spectacles et autres événements artistiques et culturels réservés pour le moment à nos nombreux adhérents. Le dernier en date, à l'heure où je vous parle, a été organisé à l'occasion des Journées du patrimoine. Il s'agissait d'une visite guidée, musicale et décalée, au cours de laquelle on a pu découvrir l'état d'avancement des travaux sur nos espaces communs. Ces espaces, provisoires, temporaires ou temporitifs, nous permettront d'être au sec et au chaud cet hiver et de pouvoir continuer à travailler en attendant patiemment le printemps. Parmi ces espaces, Jean-Phi nous a présenté, ou plutôt chanté, le foyer. Dans le flot des questions qu'on se pose quand on veut réhabiliter une usine vieille de près de 200 ans, il y a toutes les considérations écologiques. Une première partie de notre travail a donc été d'évacuer la quantité de gravats, de bouts de verre, de plastique et de ferraille rouillée qui avaient été abandonnés de part et d'autre de l'usine depuis une cinquantaine d'années peut-être. Avec souvent l'impression d'être là aussi pour réparer des erreurs du passé et pour tenter de restituer aux générations futures un espace plus respectueux de l'environnement naturel qui nous accueille. Parmi toutes ces questions, il y a celle de l'évacuation d'une part des eaux grises et d'autre part des toilettes, les toilettes turques qui existaient jusque-là dans l'usine et qui jusque-là allaient directement dans la rivière, dans la fontolière. Alors, on pense phytoépuration, voire pédoépuration, mais tout ça, on aura l'occasion d'en reparler dans les émissions suivantes. Enfin, ce qui est sûr, c'est qu'en réunion plénière au sein du collectif, les enjeux de pipi-caca ont occupé pas mal de discussions bien animées. On a donc accueilli, en août dernier, un spécialiste en la matière, qui est venu éclairer de ses précieuses lumières le devenir commun de nos chers excréments. Et puis il y a un composteur extérieur quelque part. Comme vous faites actuellement. La famille, entre guillemets, ou les gestionnaires d'un appart qui ne veulent pas utiliser la toilette sèche extérieure, ils ont leur toilette sèche individuelle chez eux. Oui, voilà. Mais vous, dans le collectif, vous pouvez dire qu'il y a une toilette sèche collective, qui est celle-là. Mm-hmm. Aujourd'hui, qu'on pense que c'est celle-là qu'il faut valoriser, au moins pour les matières fécales, si on ne veut pas avoir à vider son seau. Mais sinon, il y a la deuxième option, c'est pas de toilettes à eau. Le moulinage Chiron, c'est pas des toilettes à eau. C'est, dans les appartements, des toilettes sèches à séparative à la source ou des TLB, c'est-à-dire des toilettes à litière, comme vous avez aujourd'hui. Donc bonjour, donc, moi je suis Christophe Miroteau, donc je suis directeur de l'éco-centre Pierre et Terre. Donc l'éco-centre Pierre et Terre, c'est une structure associative. On est basé dans le Gers, donc entre Toulouse et Bayonne. Donc, en tant que directeur de l'éco-centre Pierre et Terre, nous, on accompagne des particuliers, des collectivités sur tout ce qui est les gestes éco-citoyens. Donc, cet accompagnement, il passe par plusieurs étapes. La première étape, c'est tout ce qui est l'information et la sensibilisation. On a une deuxième étape qui est l'animation et la formation. Donc, on commence à aller un peu plus loin. Et puis, la dernière, dans la construction progressive de chaque individu, c'est l'accompagnement. En rencontrant des membres du collectif, ils m'ont fait cette demande de venir voir le lieu pour pouvoir les accompagner. Alors, au départ, spécifiquement sur la partie assainissement, comment diminuer l'impact de notre mode de vie sur la rivière qui touche le bâtiment. Et puis après, de travailler aussi de manière un peu plus générale sur les bâtiments, les aménagements et l'isolation. La rencontre à volume Moulinage, c'est une compagnie, Guy, Juliette, qui sont programmés sur notre lieu, puisqu'on a un théâtre aussi sur le site, qui se rendent compte de toutes les activités que l'on mène, qui voient le bloc sanitaire aux toilettes sèches, qui voient un peu le système d'assainissement, puisqu'il y a beaucoup de panneaux pédagogiques, informatifs sur le site, qui peuvent permettre des visites un peu en autonomie. Donc ils viennent sur le site, ils sont programmés pour jouer leur spectacle, ils voient un peu tout ce qu'il y a sur le lieu. Ils commencent à poser des questions, à dire que ça les intéresse. Et il y a quelques années, ils disent « On a un projet, un jour peut-être, d'acquérir une ancienne usine, le moulinage de Chirol. Mais on ne sait pas si ce sera possible. Mais toujours, voilà, est-ce que tu peux répondre à quelques questions ?» Et voilà, et on avance comme ça, petit à petit. Et aujourd'hui, je suis là, le projet s'est concrétisé. Donc c'est un peu cette rencontre-là. À la fois pipi, caca, là. À la fois pipi, caca, là. À la fois pipi, caca, là. Là. Concrètement, dans les toilettes sèches, est-ce qu'on met le papier ou est-ce qu'on ne met pas le papier ? Alors concrètement, dans les toilettes sèches, oui, on met le papier. Le papier, c'est de la matière carbonée. Donc il va se composter avec nos matières pour produire du compost, tout simplement. Donc oui, il vaut mieux mettre le papier parce que sinon on en fait quoi ? Voilà. Soit on a trouvé une autre valorisation, mais aujourd'hui, comme on n'a pas d'autre meilleure valorisation, et plutôt que de le mettre à la poubelle, il vaut mieux le mettre là. Il faut vraiment partir de où on en est aujourd'hui et de à quoi ça sert. Alors les toilettes sèches préconisées ici pour le moulinage de Chirol, c'est des toilettes qu'on appelle unitaires, à gros volume de compostage, où les toilettes sont directement raccordées au composteur, c'est-à-dire qu'on n'a pas de manutention dessus à les vider, et sans ajout de matière carbonée, c'est-à-dire sans ajout de sucre. Un des enjeux de la toilette sèche, c'est le confort. C'est-à-dire qu'on va dans une toilette, on a envie d'être assis confortablement, et on souhaite qu'il n'y ait pas d'odeur à l'intérieur. Donc là, on va gérer les odeurs en créant une circulation d'air de la pièce de la toilette à l'intérieur de la cuvette. On passe par le composteur et après, on met l'air dehors. Et le fait de gérer cette circulation d'air, on va être plus performant que dans les toilettes humides parce que même si on rentre juste derrière quelqu'un, il n'y aura pas d'odeur dans la toilette parce qu'aujourd'hui, on met la ventilation au plafond, ce qui fait qu'on aspire les mauvaises odeurs qui sont au niveau du siège dans toute la pièce, tandis que là, on les aspire à l'intérieur de la toilette. Donc, on peut rentrer juste derrière quelqu'un aux toilettes. Il n'y aura pas d'odeur dans les toilettes. Donc, on aura gagné en confort d'utilisation de ces toilettes. Pour te faire un résumé, c'est une coopérative d'habitat d'activité à tendance plutôt festive, un groupe de gens motivés qui prennent des initiatives pour trouver d'autres manières de vivre et de travailler. Hey, viens voir. Viens voir à Chirol, viens voir les rois de la bricole, viens voir le moulinage, viens voir, ramène ton outillage. Ils ont un gros bâtiment qu'il faut réhabiliter. Le chantier commence maintenant, il durera quelques années. Aujourd'hui ça ressemble à rien, mais faut imaginer ce que ça pourra être demain et encore le jour d'après. Viens voir à Chirol, viens voir les rois de la bricole, viens voir. Dans cette émission, nous avons eu envie de vous parler aussi d'autres projets, des projets collectifs qui nous inspirent. Ce mois-ci, c'est Nina Hubinet, membre du collectif, qui est allée à la rencontre des éco-ravissants à Éco-Ravi, dans la Drôme. Éco-Ravissant, c'est le nom que se sont donné les habitants d'Éco-Ravi, un projet aussi fou et beau que le nôtre, qui est né de l'autre côté de la vallée du Rhône, à Dieulefi. Ils sont maintenant 37 adultes et une quinzaine d'enfants à vivre dans deux bâtiments bioclimatiques qu'ils ont construits ces dernières années. Cet habitat participatif se fonde sur des valeurs égalitaires, antispéculatives et écologiques très fortes. Nous avons donc beaucoup de points communs avec eux, mais aussi des différences, et c'est ça justement qui est intéressant. Dominique et Claire, deux des habitants, m'ont accueilli chez eux à la fin du mois d'août. Claire, qui va avoir 80 ans cette année, est l'une des fondatrices du projet. Elle nous raconte comment l'aventure a commencé il y a 12 ans. Ça a démarré parce qu'une voisine de ce terrain s'est aperçue que les terrains qui avaient 3 hectares qui étaient constructibles. Et comme elle redoutait un peu qu'il y ait des petits lotissements qui s'installent, elle a réuni quelques amis en disant « vous voulez pas construire quelque chose ensemble ?» Donc on s'est réunis, on était une dizaine au départ. Et puis, petit à petit, les aléas de la vie font qu'on se retrouve plus que 2 membres fondatrices. Et alors, au début, on était un peu des doux rêveurs. Hein, on se voyait chacun dans une petite maison avec son petit jardin et tout ça. Puis, ça a beaucoup évolué. Au début, on ne savait pas si on était un écolieu, un écoquartier, un habitat participatif. Ça a beaucoup changé dans nos appellations. Et puis le groupe s'est structuré, et en particulier il y a des gens qui sont arrivés de Strasbourg et qui étaient beaucoup plus cerveau-gauche que nous. Nous non plus, au Moulinage, on n'est pas très cerveau-gauche, comme dit Claire. Et pourtant, on a beaucoup travaillé pour trouver la bonne structuration juridique, c'est-à-dire une association et une coopérative, comme à Ecoravi. Leurs statuts nous ont d'ailleurs largement influencés. Avec son principe d'une personne égale une voix, la coopérative est un modèle qui reflète bien nos valeurs. Parce que les valeurs, chez Ecoravi, comme au Moulinage, ce ne sont pas que des mots. Elles s'incarnent très concrètement dans la vie du groupe, comme nous l'expliquent Claire et Dominique. Très très tôt, on a établi une charte. Et la charte, pour dire rapidement, c'était respect de la nature, respect des autres, respect de soi-même. Et on essaye de s'y tenir, on ne s'y tient pas toujours, bien sûr, parce que c'est un but élevé qu'on s'est donné. À quel moment on doit recopier cette charte à la main ? Alors, c'est au moment où on a demandé son intégration dans le projet. Donc, c'est pour cette cooptation, nous aussi, on peut appeler ça ce stade une cooptation, que, entre autres, on demande de rédiger à la main la charte fondamentale pour s'en imprégner plus qu'une simple lecture. Et puis, on a même demandé une rédaction créative possible. Certains se sont amusés jusqu'à la rédiger en 3D, avec donc du relief, donc un document totalement inclassable, non pliable, enfin très compliqué pour... Ah ben d'accord, c'est magnifique, mais comment fait-on ? Et puis on a une charte comme ça avec nos valeurs, mais on a aussi une charte relationnelle qui est aussi à recopier. D'accord. Et qui met en place un certain nombre d'axes sur lesquels on demande à chacun d'être attentif par rapport à nos relations, puisque c'est quand même l'humain qui est au cœur du projet, c'est le vivre ensemble. Ouais. Et effectivement, dans un projet comme ça, les relations humaines, c'est un élément très sensible. Comme on est dans un fonctionnement collectif, donc c'est un peu l'huile de coude du projet. Quoi, c'est plus que sensible, hein, c'est fondamental, c'est le socle sans lequel rien ne peut se faire, ou si ça se fait... ça va se détruire si on ne travaille pas sans arrêt le cœur nucléaire, entre guillemets, de notre groupe, qui est vraiment le travail de l'humain en relation avec soi-même et en relation avec les autres. C'est un axe vital, en fait. C'est pas du tout un décor. Sans ça, on a une durée de vie de 6 mois. Mais tous ces beaux principes, comment ça marche en pratique ? Comme au Moulinage, chez Ecoravi, les décisions se prennent au consentement. Et malgré tout, parfois, ça coince. Comme le raconte Claire à propos de leur fameux trampoline de la discorde. On utilise la gestion par consentement. La gestion par consentement, c'est tout le monde doit être d'accord avec la proposition qui a été faite. Et on écoute les objections de tout le monde. Quand les objections sont levées, s'il y en a, il n'y en a pas toujours, à ce moment-là, la décision est prise. Mais s'il y a une seule objection et qu'on n'arrive pas à la lever, on va remettre la décision à une autre fois. Donc, faire une proposition de modification de la décision. Ouais. On peut amender en cours de processus, si on se rend compte qu'il y a une objection sur un point qui peut être levé par une modification de la proposition, alors là, on ne s'empêche pas de, in vivo tout de suite, faire la nouvelle proposition, avec un nouveau tour de compréhension, de ressenti, et puis d'objection. Mais c'est très dynamique hein, comme processus. Hein, et aussi très long, ça prend beaucoup de temps. Un peu long, oui. Mais de moins en moins long, à condition que la proposition soit bien préparée à l'avance. Et donc, ce sont des commissions ou ce sont des groupes de travail qui vont préparer une... Si elle est bien préparée, si on explique tous les positifs, les négatifs, ça passe assez vite. Voilà. Mais il y a des sujets sensibles quand même. Et puis, il y a un travail aussi de chacun de nous sur lui-même qui fait qu'on en a vraiment assez de passer des heures en réunion si c'est pour nourrir le besoin égotique de quelqu'un d'être entendu, d'être écouté, etc. Là, tout le monde en a marre. Donc, chacun de nous, on se contrôle, on se contraint et on va à l'essentiel, quoi. Et moi, je dirais plus encore au niveau de la décision... que la décision est emportée quand il n'y a pas d'objection. C'est-à-dire, c'est pas, même pas besoin qu'on soit d'accord. C'est que chacun va fouiller dans son fort intérieur cette décision. Est-ce que j'ai une objection ? C'est-à-dire, est-ce qu'il y a un endroit où si cette décision est prise, ça risque quelque chose pour le groupe ? Ou est-ce que c'est une limite personnelle infranchissable ? S'il n'y a pas ça, je n'ai pas besoin d'être d'accord. Par voie de fait, je suis sans objection et je fais partie du oui. Et alors, est-ce que ça vous est déjà arrivé d'être face à une objection qui se maintient qui... Ouais. Alors, dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on fait ? On a eu un très bel exemple comme ça à propos d'un trampoline. C'est le fameux trampoline que des parents avaient promis à leurs enfants. Et puis, dans l'assemblée, il y en a qui disaient, mais trampoline, c'est un objet de consommation. On n'est pas dans la sobriété heureuse. Enfin, les enfants, ils peuvent aller jouer dans les arbres. Il y a des carrières de sable. Enfin, c'est quoi, ça ? Et vraiment, il y a eu des choses très, très dures qui se sont dites. Il y en a qui ont pleuré. Il y en a qui sont énervés. Enfin, ça a été une séance très chaude. Et de toutes ces objets... Alors, il y a même quelqu'un qui est parti du groupe. Ah oui. À cause de ça, mais il y avait sans doute d'autres choses derrière. Mm. Mais enfin, ça a été... C'était impossible pour elle de revenir. Pas de sobriété. C'était pas de la sobriété. Enfin, elle est venue pour ça, dans cet esprit. Et puis, ce qui s'est passé, c'est qu'on a dit, bon, ben, on va confier l'affaire aux enfants. Et on va demander aux enfants de prendre ce sujet en main, de voir quel prix il fallait mettre dans la chose, selon le type de trampoline, quelles sont les règles qu'ils allaient mettre en place, parce que les objections venaient beaucoup de « ouais, ça va être la pagaille, les garçons, les filles vont se bagarrer, etc. » Et l'emplacement ? Et l'emplacement, où est-ce qu'on va le mettre, ça va faire du bruit et tout ça. Il y en a qui disaient, mais surtout pas sous mes fenêtres, je les entends crier et tout ça. Il y a combien d'enfants à Ecoravi ? Une quinzaine. D'accord. Voilà. Entre Entre 2 ans et 14. Ah, oui, c'est ça maintenant, 14. Voilà. D'accord. Voilà, et les enfants ont fait un travail formidable. D'abord, ils ont décidé de mettre leur argent de poche dedans. Puis de demander à ceux qui voulaient bien de participer à ça. Alors il y en a qui ont dit ah non, moi je ne mettrai pas un sou, hein, ça c'est pas mon c'est pas mon histoire. Mais dans l'ensemble, ils sont arrivés vraiment pile à ce qu'il fallait. Et depuis, les règles sont très bien respectées et c'est magnifique. Et pour nous, ce qui était important, c'est que les enfants prennent en main, commencent à s'investir dans le projet et à prendre des responsabilités. Collectif, là, tout le groupe. c'est des tontons et des tatas. T'as combien de tontons et de tatas? J'en ai comme ça. Wow, comme ça. Et c'est bien d'avoir beaucoup de tontons et beaucoup de tatas ou pas? Oui. Oui? Pourquoi c'est bien? Et parce que ben, à Chirol ici, et j'avais la fête avec eux. Est-ce qu'on fait beaucoup la fête à Chirol? Oui. Qu'est-ce qu'on fait quand on fait la fête à Chirol? Ben, on chante des chansons et on dit ça va commencer le spectacle, qu'il ne faut pas faire du bruit. 1, 2, 3, hey! Viens voir à Chirol, viens voir les rois abricoles, viens voir, viens voir le moulinage. Attention! Viens voir et jette un coup d'œil à la plage. Il faut bien dire plage, sinon les gens vont dire jette un coup d'œil à la plage. Vous comprenez, d'accord? Plage. Nickel.